Alors maintenant, je voudrais qu'on parle plus particulièrement des verbes. Ce sont les véritables piliers de la langue. C'est pourquoi il est tellement important d'apprendre à les employer. Parce que si vous savez manier les verbes, vous savez manier la langue. Tout le reste n'est que du vocabulaire. Bien, donc nous avons vu qu'en allemand, dès qu'un nom ou un adjectif est suivi par un verbe, il faut employer zu devant le verbe. Par exemple, quand on dit « j'aimerais avoir l'occasion de voir ça », l'occasion, l'opportunité en allemand se dit Gelegenheit, Gelegenheit. Tous les mots qui finissent en Heit ou Keit sont précédés d'un même article, c'est-à-dire d'un mot comme le, la ou les. En l'occurrence, il s'agit pour les mots allemands en Heit ou Keit de l'article die, die Gelegenheit. De la même manière qu'en français les mots en jung sont généralement précédés de l'article la. Il en va de même pour les mots qui finissent en ONG, U-N-G, prononcé ONG, par exemple, die Zeitung. Donc, Gelegenheit signifie occasion, opportunité. Et donc, comment direz-vous l'occasion? Die Gelegenheit. Die Gelegenheit. Oui. Alors, j'aimerais avoir l'occasion de voir cela. Ça donnera. Ich möchte. Oui, donc j'aimerais avoir l'occasion. L'occasion. Die Gelegenheit. Die Gelegenheit. Die Gelegenheit. Et maintenant, avoir l'occasion de voir cela. Es zu haben? Attendez, on a d'abord j'aimerais avoir l'occasion. Ich möchte die Gelegenheit. Bien. Et maintenant le verbe avoir? Haben? Voilà. Ich möchte die Gelegenheit haben. Et maintenant, de voir cela. De le voir. Es zu sehen. Es zu sehen. C'est ça. Ich möchte die Gelegenheit haben, es zu sehen. Toujours se dit Emma. Emma. Emma. Ça s'écrit I-2-M-E-R. Emma. À vous. Comment dit-on toujours? Immer. Emma. Il y a deux M. Il faut bien les entendre tous les deux. Et comment dira-t-on « pas toujours »? Nicht immer. Nicht immer. Alors, comment dira-t-on « je n'ai pas toujours l'occasion de le voir, de voir cela »? « Je n'ai pas toujours » se dit « Ich habe » « Ich habe » « pas toujours » « Nicht » Immer? Ich habe nicht immer. Ich habe nicht immer l'occasion. Die Gelegenheit. Bien. Ich habe nicht immer die Gelegenheit de voir cela. Es zu sehen. Es zu sehen. Oui. Ich habe nicht immer die Gelegenheit. Je n'ai pas toujours l'occasion. Ich habe nicht immer die Gelegenheit, es zu sehen, de le voir. Et si vous voulez dire « je n'ai pas souvent l'occasion », souvent se dit « oft » en allemand. Oft. Oft. Oft, ça s'écrit O-F-T. Donc « je n'ai pas souvent l'occasion de voir cela », « je n'ai pas très souvent l'occasion de voir cela », se dit Ich habe nicht sehr oft die Gelegenheit, es zu sehen. Bravo! Ich habe nicht sehr oft die Gelegenheit, es zu sehen. Comment diriez-vous, ça n'est pas possible? Es ist nicht possible? Möglich? Mhm. Es ist nicht möglich. Et ce n'est pas possible d'aller là-bas aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Es ist nicht möglich. Aujourd'hui. Heute. Là-bas. Dort. Dorthin. Dorthin. Très bien. Vous avez pensé qu'il y avait un mouvement, d'où dorthin. Gehen. Pas tout seul. Si le verbe vient après un adjectif, il manque quelque chose. Il manque ce « de » qui apparaît aussi en français après « possible ». On a « ce n'est pas possible d'aller là-bas ». Zu gehen. C'est ça. Es ist nicht möglich, heute dorthin zu gehen. Vous voyez qu'après un adjectif ou après un nom, il faut mettre « zu » devant le verbe. Comme en français d'ailleurs quand on dit « pas possible d'aller là-bas » et non « pas possible aller là-bas ». Dorthin zu gehen. Es ist nicht möglich, heute dorthin zu gehen.